su me reconnaître, ignorant ma vie, ce monastère. J'ai devant moi une porte entr'ouverte sur un peut-être, même s'il me faut tout recommencer. Toi qui n'as pas cru ma solitude, ignorant ses cris, ses angles durs, j'ai dans le cœur un fil minuscule, filament de lune qui soutient un diamant qui s'use, mais qui est. Je n'ai pas choisi de l'être. Suspendre le temps pour...